se ressemblent. Ils me glacent les veines. C'est comme vivre ensemble et se dire des je t'aime. T'es comme la chaleur, tu me brûles les yeux. Tu m'embrases le cœur quand on est tous les deux. Entre le froid et la chaleur, c'est comme entre toi et moi. C'est vivre dans la douleur quand on ne se parle pas. Entre la chaleur et le froid, c'est lorsque tu es loin de moi. Te voir dans un rêve au milieu de mes nuits. J'ai tellement peur, j'en crève. Ta chaleur m'envahit. Et lorsque je me couche, que tu n'es pas avec moi, ou que j'effleure ta bouche et que j'en meurs de froid. Entre le froid et la chaleur, c'est comme entre toi et moi. C'est vivre dans la douleur quand on ne se parle pas. Entre la chaleur et le froid, c'est lorsque tu es loin de moi. Oh. Entre le froid et la chaleur, c'est comme entre toi et moi. C'est vivre dans la douleur quand on ne se parle pas. Entre la chaleur et le froid, c'est lorsque tu es loin de moi. Le froid de la nuit me fait perdre tout contrôle. Je change de vie comme dans un jeu de rôle. La chaleur et toi, c'est la même personne. Pour être près de toi, oui, tout ce que tu veux, je le donne. Entre le froid et la chaleur, c'est comme entre toi et moi. C'est vivre dans la douleur quand on ne se parle pas. Entre la chaleur et le froid, c'est lorsque tu es loin de moi. Oh.